Les membres du conseil municipal de Dolbeau-Mistassini se joignent à moi, Pascal Cloutier, pour offrir à tous les citoyens des vœux de paix et de bonheur à l'occasion des fêtes. Et cette période propice au rassemblement vous permettre de passer du bon temps avec ceux que vous aimez. Joyeux Noël et bonne année! Le temps des fêtes est déjà arrivé et il est grand temps de remercier les gens qui font notre succès. Et l'équipe de Pega Informatique aimerait remercier sa clientèle qui la soutient pendant toute l'année. Pega Informatique se spécialise dans les solutions d'informatique pour le secteur commercial et industriel. Pega Informatique est située au 747 boulevard Vézina d'Olbeau-Mistassini au 418-276-2108. Travaux, que ce soit pour le nettoyage, la rénovation et la ventilation, c'est l'équipe de ProNet qu'il faut contacter. Une équipe de professionnels à votre service où la mission est votre satisfaction. Toute l'équipe de ProNet vous souhaite de joyeuses fêtes et vous remercie de l'encouragement pendant l'année qui se termine. Amusez-vous bien et soyez prudents pendant le temps des fêtes. Ce sont les vœux de Régent Côté, propriétaire de ProNet. 418-679-4178. Le son des cloches nous fait penser à la belle période du temps des fêtes. Les Bleuets Fortins du 555 de 15 secteur Mistassini vous souhaitent une très belle période des fêtes. Les Bleuets Fortins font partie du paysage depuis plusieurs générations. C'est une entreprise qui est la couleur des nôtres, c'est-à-dire le bleuet. La direction et le personnel de Bleuets Fortins vous souhaitent un joyeux Noël et que la prochaine année soit prospère. Bleuets Fortins au numéro de téléphone 276-86-11. La direction et le personnel du restaurant Midas vous souhaitent de joyeuses fêtes. Paix, santé et bonheur sont les vœux du propriétaire, M. Danny Potvin, qui vous invite à venir goûter son nouveau poulet frit qui fera le délice de tous. Le restaurant Midas est situé au 1084 route 169 Saint-Félicien, au numéro de téléphone 418-679-0900. En ce moment de... C'est le commentaire de la NFL avec notre ami Tony Guzzo du site internet labitsnfl.com. Salut Tony! Salut Danny, ça va? Ça va bien Tony. Évidemment, on va y aller avec les joueurs ou les nouvelles de la semaine. Écoute, on a un nouveau record, un record man pour les passes du toucher. Moi, je vais y rendre hommage. C'est sûr que Tom Brady, c'est mon sportif favori. Sauf que Drew Brees, il a joué toujours dans l'ombre de Peyton Manning, d'Aaron Rodgers, de Tom Brady. Et c'est lui, à la fin de la journée, qui a le plus grand nombre de passes de toucher. Puis, tu sais quoi? Je pense que Brady ne sera pas capable de le rattraper. Ah non? Non. Non. Ça commence. C'est toute une prédiction pour commencer notre entrevue. Mais non, il faut... je veux dire, Tom Brady aussi, c'est une tête dure. Là, ouais. Fait que je sais pas, là. Puis il y a quand même deux bons matchs qui s'en viennent, là, où ce qu'il peut essayer de le rattraper. Puis l'année prochaine, ben là, on va voir là, comment ça va aller. Mais je peux comprendre un peu ta prédiction, mais... Brady, c'est peut-être sa dernière année, tandis que Brady, j'ai l'impression qu'il y en a encore pour un an ou deux. Ben moi, je pense que les deux vivent de quoi, là. Ils veulent tellement gagner un autre championnat, là. Breeze, il n'y en a pas autant que Brady. Mais Brady, c'est deux personnes qui... C'est deux joueurs, deux athlètes qui veulent vraiment bien finir leur carrière. Fait que si Breeze, les deux dernières années, il n'a pas été chanceux, mais cette année, il a encore des chances pour le gagner. Donc, moi, je pense que Breeze, prochain championnat ou très proche, pourrait prendre sa retraite après. Mais Breeze, comme tu dis... C'est tout un joueur. Moi, je le considère comme un héros obscur parce que il a tellement fait autant sur le terrain qu'à l'extérieur du terrain. Tu sais, Breeze puis Sean Payton à New Orleans, là, ils ont mis les Saints sur la carte pas à peu près parce que avant ça, il y avait pas grand chose. Donc, Drew Breeze à 40 ans. Il a battu le record de Peyton Manning. Ouais. Et aussi, il y a une affaire, c'est que ce soir-là, il a battu un autre record. Il a battu le record pour le meilleur ratio de passes complétées en une rencontre avec 96,7%. Il a été 29 en 30 le dernier match, donc avec 307 verges. Donc, chapeau, 19 saisons pour Breeze. Il détient déjà les records de la Ligue pour le nombre de passes complétées, le nombre de verges par la voie des airs. Donc, avant le match de lundi, Breeze avait réussi 6792 passes et totalisé des gains de au-dessus de 72 000 verges. Là, c'est incroyable. Donc, Chapeau à Drew Brees et tu fais bien, Danny, qu'on l'apporte là. On y souhaite, moi j'y souhaite beaucoup un championnat ou au moins se rendre jusqu'au final parce que les deux dernières années, ils ont vraiment pas été chanceux là, à ce niveau-là. Fait que, ils méritent très bien. Un vol de l'arbitre et l'autre, ça a été, on sait l'histoire. Mais tu sais, c'était un choix de deuxième ronde. Il jouait pour Purdue, les Boilermakers, c'était un choix par les Chargers de San Diego. Et pourquoi deuxième ronde? C'est parce que c'est un petit carrière, un carrière de moins de 6 pieds. T'as Russell Wilson. Puis je pense que Baker Mayfield t'as 6-1, je pense. Hein? Oui, à peu près, Puis t'as Kyler Murray qui n'est pas grand. Okay. Pas grand. Fait que on dirait que les gens de la NFL ne fermeront pas les yeux à l'écart arrière petit parce que justement, un gars comme Drew Brees, ben il a une bonne tête. Il est très très brillant. Il a le sens du jeu. Puis il est bien entouré, puis il a toujours bien réussi avec n'importe quel joueur qu'il y avait autour de lui. Puis ça part aussi d'un bon coach aussi en Sean Payton, donc chapeau à Drew Brees. Et ton chum, en tant que partisan des Dolphins de Miami, tu dois être déçu. Si Drew Brees aurait pu porter les couleurs des Dolphins, ça aurait pas été de l'erreur du personnel médical, je pense. Oui, mais je vais être honnête, moi aussi, parce que c'était une blessure sérieuse, là. Je vais être honnête, je me souviens plus où précisément, mais je me souviens que il y avait le choix entre les Saints et les Dolphins, même moi, dans ce temps-là, je disais que non, on devrait pas parce que il pourrait une autre blessure et sa carrière est finie, mais écoute, tu sais, je veux dire, c'est ça, là. C'est pour ça qu'on parle. Il y a plusieurs experts spécialistes sur la Terre pour ça. Mais oui, je suis un peu déçu qu'il soit pas un Dolphins, mais je suis pas sûr qu'on a été capable, et Miami a été capable de bien l'entourer aussi. On sait pas. Fait que je suis content pour lui ou avec les Saints. Tom Coughlin a été congédié par les Jaguars de Jacksonville. Mon chum Alexandre Gauthier, je sais pas s'il est content ou pas, mais en tout cas, peu importe. Écoute, les Jaguars, c'est une équipe il y a 2 ans qui était aux portes du Super Bowl, avait perdu en finale de la conférence contre les Dolphins. Puis là, on a régressé cette organisation-là. Puis est-ce que le contrat de Nick Foles à 30 millions, est-ce que c'est quoi ces 30 millions, je pense? C'est un vol, là. Est-ce que tu penses que ça l'a aidé au congédiement de Nick Foles? Oui, ça l'a aidé parce que c'est ça qu'on reproche de Tom Coughlin depuis 2 ans parce que on trouvait que son embauche aurait aidé justement pour améliorer l'équipe parce qu'il était à un match d'aller au Super Bowl là, puis une défaite crève-cœur contre les Pats. On reproche son travail a été remis en question des dernières semaines, puis même surtout les dernières semaines à cause des mauvaises performances de l'équipe et de certains mouvements de personnel qui ont été questionnés. Mais là, le pire, c'est que qu'est-ce qui a pas aidé dans la décision parce que le propriétaire des Jaguars voulait attendre parce que je pense son contrat finissait une affaire de même, mais il voulait attendre la fin de la saison. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que l'association des joueurs a même déclaré dans la dernière semaine ou 2 semaines qu'il avait envoyé un mémo à ses joueurs disant qu'en tant que joueur, vous devriez peut-être considérer cela lorsque vous aurez l'occasion de choisir votre prochain club en parlant des Jaguars. Donc, c'est quand même spécial pour qu'une association de joueurs ait fait un genre de statement, comme on dit en anglais. Là. Mais je trouve que malheureusement, Tom Coughlin, là, dans ses décisions d'embauche, Nick Foles, je pense que c'était je veux dire, le montant fallait y donner. Il était populaire. Il l'aurait eu. Tout le monde l'aurait donné, mais moi, j'ai toujours questionné le coach aussi. Il est là depuis 2 ans qu'il aide pas. Fait que, puis, je veux dire, au niveau du personnel, tu sais, il engage un VP, un nom connu pour justement améliorer ta situation, puis ça l'aide pas. Donc, je pense que lui aussi. Oui, vas-y. Nick Foles, on le savait, là. Il avait eu sa chance. Quelle équipe? Les Cowboys? Non, pas les Cowboys. C'était quelle équipe qui avait été? Puis que Ça avait... il était avec les Rams aussi. Oui, c'est ça, les Rams, ouais. C'était pas avec... Il a-tu été à Denver? Je me souviens plus non plus. On va en parler, puis je vais te le sortir. Mais ouais. Donc, on savait que... Moi, j'ai toujours su que c'était un corps qui était... trop bon pour être deuxième, puis pas assez bon pour être premier. Ben oui, on l'a toujours dit, on l'a tout dit, mais à un moment donné, les équipes vont ouais. essayer de le tester, là. Mais on l'a toujours dit, c'est un meilleur deuxième, mais tu sais, je veux dire, faut avoir quand même un certain ego pour dire que t'es le meilleur deuxième dans la ligue. Ils veulent tout commencer, ils veulent avoir tout le gros salaire. Je suis en train de voir, il est allé avec les Chiefs. Les Chiefs, c'est ça. Donc, mais puis là en plus il y a eu la blessure, ça l'a pas aidé cette année. Donc ça va être, je vais être curieux, mais je pense qu'ils vont y donner. Moi je donnerais une autre chance à Nick Foles là, en santé là avant de le mettre dehors ou de le tasser pour vraiment dire que ça a été un flop. Mais entièrement d'accord avec toi, c'est un excellent deuxième. Ok, parlons maintenant du Pro Bowl. Les Ravens de Baltimore dominent. Écoute, avec l'année qu'ils ont connue, c'est incroyable. Là. Donc, c'est eux qui dominent la liste des joueurs qui vont participer au Pro Bowl. Oui, ben ça, c'est le Pro Bowl. Cette semaine, ils ont annoncé la liste des joueurs, les partants. On sait très bien que ils vont attendre jusqu'au Super Bowl parce qu'il y a des joueurs sont nommés. C'est le match que tu veux être nommé, mais tu veux pas jouer. Très bien dit, Danny. Ouais, ouais. Très bien dit. Oui. Donc, ils ont été, les Ravens, 12 joueurs sélectionnés. C'est un record qui a été égalé. On avait les Cowboys en 2007 avec 13 joueurs. Mais là, ils disent 13, mais parce que c'était un remplaçant. Donc, au niveau de ça, c'est qu'on doit mentionner aussi que c'est la seule ligue qu'il se fie au vote des partisans. Ouais. Des joueurs et des entraîneurs. Donc, puis ils ont été les premiers en 95 d'avoir fait la sélection via Internet aussi. Donc, ils ont été quand même à l'avance. Mais malheureusement, c'est le match des étoiles du sport professionnel le plus plate, le moins regardé, le moins intéressant. Donc c'est malheureux à dire, mais je comprends parce que sont maganés physiquement. Ils essaient de trouver une façon. Moi je ferais un match des étoiles flag football. Tant qu'à y être. Bon, moi j'en reviendrai. C'est quand même divertissant, là. C'est un match S-West. Moi j'en reviendrai à la conférence nationale contre conférence américaine. Mais écoute. Puis tu laisses demain, coudon, c'est. Il n'y en a pas de formule parfaite. Là. Ils ont essayé plusieurs formules, peu importe le sport. Mais je te dis que tu parles du Pro Bowl, mais la Ligue nationale de hockey, c'est assez plate aussi, là, le match d'étoile. Oui. Mais pour revenir, Danny, je pense que c'est revenu à Est et Ouest en passant. Les conférences nationales. Les deux conférences. Oui, oui. Ouais, mais c'était parce pas nommé pendant... par des capitaines. Non, c'est fini, ça. C'est fini. Okay. C'est fini. C'est vraiment, ils sont revenus aux deux conférences. Le fantasy puis les Giants et les Dolphins sont les deux seules équipes qui n'ont pas de sélection et pour la première fois depuis plusieurs années Tom Brady n'a pas été sélectionné. Ouais, malheureusement. On va faire une pause parce qu'on est dans la période des fêtes, Tony, il y a beaucoup de publicité puis on revient, on va y aller avec les matchs de la semaine. Vous êtes à l'écoute de la chronique de la NFL avec Tony Guzzo. Le personnel et la direction de la société Sylvicole désirent souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Il vous incite à la plus grande vigilance pendant ce moment de réjouissance. La société Sylvicole est un employeur important, générant plus de 90 emplois dans le secteur. Nos bureaux sont situés au 245 rue Dequin à Dolboum-Sesny, au numéro de téléphone 418-276-80. Ici Marie-Claude Tremblay, directrice générale de la Caisse Desjardins du Nord du Lac-Saint-Jean. Et Luc Girard, directeur général de la Caisse populaire Desjardins et Plaine Montréal. Nous profitons de cette période de réjouissance pour vous remercier chaleureusement de la confiance que vous nous témoignez. Au nom des dirigeants et du personnel de nos deux caisses, meilleurs vœux de bonheur, santé et de prospérité pour la nouvelle année. Et qu'elle vous permette la réalisation de vos vœux les plus chers. À tous, joyeuses fêtes! Fête. Les employés et la direction de la coopérative de location de machinerie lourde de Saint-Félicien souhaitent un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Notre équipe vous souhaite avant tout la santé et que tous vos projets se réalisent. La coopérative de location de machinerie lourde de Saint-Félicien est une entreprise importante dans le secteur avec plus de 10 emplois dans le milieu et œuvre dans le secteur forestier avec son important partenariat avec Résolu. La coopérative de machinerie lourde 905 Boulevard Amel, Saint-Félicien 88-679-41-94. Ici Luximard, préfet élu de la MRC de Maria-Chapdelaine. Le temps des fêtes est un moment privilégié où nous pouvons prendre le temps de célébrer avec nos proches. Profitez de cette période pour vous amuser, prendre un peu de recul et refaire vos forces. Pour 2020, le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine et son personnel vous souhaitent leurs meilleurs vœux de santé et de bonheur et que la prochaine année vous permette de réaliser vos rêves les plus ambitieux. À toute la population de la MRC de Maria-Chapdelaine, joyeux Noël et bonne année! Pour vos idées cadeaux de Noël à prix abordable, le magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini, c'est l'endroit à visiter. Le propriétaire Ken Bennett et tout le personnel souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population et vous remercie de votre encouragement durant toute l'année. Le magasin Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 276-2385. Et n'oubliez pas de consulter notre circulaire chaque semaine. On est de retour à DanRadioSport.com. Tony, c'est maintenant les matchs de la semaine dans la Ligue nationale de football. Écoute, le meilleur match est à 16h25 dimanche. C'est la joke, là, mais c'est ça pareil. C'est pour ça qu'on rit, ouais. Ouais, c'est le match qui aura lieu entre Dallas et Philadelphie. Le gagnant va participer aux séries éliminatoires. Le perdant sera éliminé, à mon humble avis. C'est le match de la semaine. Tout à fait. Deux équipes, c'est tellement drôle, Danny. Mm. C'est pour ça qu'on rit, là. On dit que c'est une joke. Deux équipes à 7 victoires, 7 défaites, ouais. Qui jouent pour... le gagnant devrait... les Cowboys, s'ils gagnent, c'est sûr qu'ils gagnent le championnat. Mm. Les Eagles, si jamais ils gagnent, faut qu'ils gagnent quasiment... tu sais, ça va être spécial, là, mais... oui, deux matchs intéressants. C'est le match à surveiller, ouais, cette semaine. Deux équipes qui ont connu vraiment une saison en dents de scie. Ils ont différentes attaques. Les Cowboys, qui sont très talentueux, ils ont pas été capables à vraiment jouer à la hauteur de leur talent. Sauf qu'ils vont quand même affronter une défensive qui a beaucoup de problèmes avec, ouais, les Eagles. Puis les Eagles aussi, au niveau de l'attaque, il y a plusieurs blessures dans le noyau des receveurs. Donc Carson Wentz, je ne sais pas à qui va lancer. Il y a seulement Zach Ertz, le fameux ailier repêché. Mm. Mais quand tu regardes ça, c'est ta seule cible. Donc je pense que les Cowboys... Je vais être honnête, la seule équipe en ce moment qui est capable de battre les Cowboys, c'est eux autres même. Ouais. Donc, c'est tout aussi simple que ça. Puis, ça va être vraiment l'histoire. On va voir si les Cowboys perdent en fin de semaine. Je pense que c'est la fin pour Jason Garrett. Ah, c'est déjà la fin, je pense. Mais j'ai entendu, c'est pour ça que je voulais l'apporter. J'ai entendu ce matin un qui commente l'ancien corps arrière, Danny White, là, qui commente les matchs des Cowboys au niveau local. Ouais. Okay. Il était à la radio de la NFL ce matin, puis il disait que lui, il pense que Jason Garrett va revenir parce que Jerry Jones l'aime tellement, puis c'est pas n'importe quel entraîneur qui va être capable de travailler avec la famille Jones, hein. Ouais, mais ça, écoute, c'est un gros défi, ça. Il y a eu trois participations aux éliminatoires en 9 ans. C'est incroyable, là. Puis, qui a regardé son poste, là? Ben, tout le monde sauf Jerry Jones. c'est spécial. C'est ça l'affaire, parce qu'il l'aime tellement, il le considère comme un fils, à moins vraiment, mais c'est pour ça qu'en fin de semaine, les Cowboys devraient gagner, parce que là, les Eagles sont pas là, les Eagles vont tout faire pour garder le match serré, mais les Cowboys devraient gagner, mais s'ils perdent en fin de semaine, c'est sûr que... parce que s'ils gagnent, sont champions, donc ils s'en vont en série. Donc, est-ce que Jerry Jones veut une autre victoire en série ou s'il perd, c'est vraiment fini? Mais je pense que qu'est-ce que Danny White ce matin disait, c'est que s'ils réussissent à faire les séries, c'est Jason Garrett achète encore du temps, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Ça prend un changement parce qu'une équipe talentueuse de même, il faut qu'elle soit bien dirigée. Donne-lui un autre pouce, là. Fais n'importe quoi. Donne-lui un autre pouce, mais au-delà de là, tu sais. Ouais. Ça serait intéressant de voir ça serait, un gars comme Ron Rivera serait intéressant. Mike McCarthy. Mike McCarthy qui est intéressant aussi. Je pense pas là, l'ancien de Ohio State, mais on dit qu'il est pas fait pour la NFL. Il y en a plusieurs qui se sont plantés. Hein. D'ailleurs, c'est pas évident parce que c'est une job de recrutement. Au niveau universitaire, tu gères des jeunes. Tu gères le programme, donc tandis qu'au à l'NFL, tu gères des princesses, comme on dit, puis de l'argent. Deuxième match à surveiller, moi, que j'aime beaucoup, c'est lundi soir dans le Monday Night Football, les Packers de Green Bay contre les Vikings du Minnesota. Moi, c'est entièrement d'accord. Entièrement d'accord avec toi, Danny. C'est lundi soir, un bon match lundi soir. Green Bay avec... c'est rare. Les Monday Nights sont rendus... ce qui était le Monday Night, c'est rendu Sunday Night. Ben oui, mais c'est ça, c'est le pouvoir. Le pouvoir va à Sunday Night. Fait que les Monday Nights sont un peu pris avec ça. Mais Green Bay, sont à Minnesota. Green Bay, avec une victoire, ils gagnent le championnat de la division. Tandis que si Minnesota gagne, ils vont se classer dans les séries, mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils vont gagner le championnat de division, parce que Minnesota a 10 victoires, 4 défaites, Green Bay 11-3. Donc, un gros match. Je pense les Packers sont peut-être... parce que tout le monde prend les Vikings pour ce match-là. Les Packers sont un peu surévalués parce que Aaron Rodgers ne fait plus ou moins le travail, mais les Packers, qu'est-ce que ça a? C'est la défensive qui a aidé cette équipe-là cette année. Donc, je veux dire, si la défensive est capable de maintenir dans le match, être capable de freiner les Vikings, puis Aaron Rodgers connaît quand même... Aaron Rodgers, s'il connaît un match quand même moyen ou un peu dessus, ils sont capables de gagner. Donc, ça va être vraiment un match physique, match serré. Les Vikings ont un avantage avec la course au sol, donc. Mais je prendrais les Packers lundi soir parce qu'ils sont un peu orgueilleux, tête dure. Je pense que Rodgers va pouvoir cette fois-ci connaître un gros match puis amener son équipe à une victoire. Troisième match à surveiller, pour moi là, c'est égalité. Les Rams à San Francisco demain. Écoute, les 49ers sont pas sûrs de faire. Oui, sont-ils sûrs de faire les séries? Je suis même pas encore au moment où Non, ils ont perdu, puis ils se sont classés quand même à cause des défaites. Parce que c'était un match très décevant la semaine passée contre les Falcons. Puis là, est-ce qu'ils vont c'est le bail. Est-ce qu'ils vont jouer pour le bail, là? Parce que même pas. Seattle devrait passer, donc normalement en première position, parce que le prochain match, ça va être à Seattle. Donc, normalement, San Francisco va rentrer comme meilleur deuxième. Ben, si la tendance se maintient, comme on dit, très décevant les défaites. Puis San Francisco, tu regardes les défaites, là, ça a été contre des grosses équipes. Fait que c'est là qu'on questionne les 49ers. Les Rams, c'est ça que je disais, c'est que les 49ers se sont classés pour les séries, pour les éliminatoires, parce que les Rams avaient perdu contre les Cowboys la semaine passée. Avec une défaite, les Niners se sont quand même qualifié, mais les 49ers, on va voir comment ils vont sortir de cette défaite-là de la semaine passée, parce que je pense que les Niners aimeraient avoir l'avantage du terrain. Les Rams, eux autres aussi, ils n'ont pas connu une bonne saison. Est-ce que Sean McVay va pouvoir garder son équipe pour donner la vie dure à Jimmy G puis toute la gang? Ça va être quand même intéressant à voir, mais les Niners sont à San Francisco. Ils connaissent quand même une bonne fiche à San Francisco. Ils devraient s'en sortir, là. Et le dernier match que moi je regarde, ça va avoir lieu 16h30 demain, mes Pats contre les Bills. Je suis content pour les Bills. T'as-tu vu comment les Bills ont été accueillis à Buffalo? Dans les petites heures du matin. Écoute, ils n'ont tellement pas été gâtés. Depuis les belles années de Jim Kelly, c'est la deuxième fois que les Bills participent aux éliminatoires, mais chapeau. Puis les Bills, j'ai hâte de voir en série quand même. Mais je pense que les Pats vont l'emporter demain. Oui, oui, ouais, parce que je pense que c'est difficile à gagner à Foxborough. Ouais. Puis, mais sauf qu'il y a vraiment une bonne motivation. Si les Bills gagnent demain, mais là, c'est sûr que l'affaire, c'est que les Pats devraient pas perdre contre Miami. Là, mais ouais, si les Pats vont perdre contre Miami, là, les Bills pourrait sortir champion de division, je pense. Fait que, mais ça sera pas le cas là. Je pense que, mais comme tu dis, les Bills vont quand même. Je pense que les Bills vont très bien jouer. Ça va être vraiment intéressant de voir parce que ils vont se préparer. Je pense que c'est une équipe qui sait qu'ils vont faire les séries, les Bills, puis ils vont tout faire pour bien se préparer pour les éliminatoires. Ils ont quand même, je pense, ça a été le match contre Buffalo a été serré, hein, je pense, je me souviens bien, oui, en début de saison, oui, 16-10. Oui, oui, oui, quelque chose de même. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, les Patriots vont jouer un jeu simple, ils vont essayer de garder ça au sol, malgré qu'ils n'ont pas des bons porteurs, mais ils vont garder ça simple pour justement marquer assez de points pour l'emporter. Ça va être un match. Genre par un toucher ou 10 points, enfin de même. Mais Edelman va jouer, il est un peu magané, mais je pense qu'il va jouer, c'est ça qui a été dit aujourd'hui. Pourquoi les Pats? Josh Allen, pour les Bills, a de la difficulté contre les bonnes défensives, puis il affronte quand même les Pats qui sont la meilleure défensive dans la ligue. Fait que les Pats vont s'en sortir. Fait que demain samedi, une belle journée de football. Trois matchs de football. Il y a des bowls aussi américains qui c'est pas des gros bowls là, mais c'est il y a un match intéressant. On a parlé avec Wallet, c'est Boise State qui est 19e qui va être là également. Tony, gros merci. Au plaisir de se parler la semaine prochaine pour la revue de l'année dans la Ligue nationale de football. Tout à fait, Danny. Bon week-end à tout le monde. Tony Guzzo du site internet labetsnfl.com, l'une des bonnes références au Québec dans le monde du football.